Chapitre 19e. Monsieur du Bousquet, ayant naïvement avoué à Boilefranc que, grâce à l'effroyable hypocrisie de Monsieur Borel, il avait demandé à son frère s'il était bien certain d'avoir remis les 50 000 francs au caissier, Monsieur du Bousquet garda un moment le silence, sous l'impression de ses souvenirs qui l'épouvantaient encore. Ainsi, reprit Boilefranc, l'astuce infernale de cet homme allait jusqu'à vous faire douter de l'affirmation de votre frère. Hélas, oui. Dans le premier moment, je le confesse, l'accent de M. Borel, sa physionomie, son regard, son attitude, et surtout sa menace d'attaquer Auguste comme calomniateur, m'avait tellement impressionné, troublé, je dirais presque convaincu, que d'abord je m'étais demandé si vraiment mon frère avait confié cette somme au caissier. Pourtant, je savais Auguste incapable de mensonge, mais bientôt l'impression de doute que m'avait laissé M. Borel passa comme un mauvais rêve, et je fus plus persuadé que jamais de la sincérité de mon pauvre frère. Et alors, que fîtes-vous? Ma première idée fut de consulter Suzanne. Elle avait, quoique manquant d'éducation, l'esprit très juste et très ferme. Mais Auguste me conjura de ne rien dire encore à sa femme de ce malheur. Pourquoi cela? De peur de lui causer un grand chagrin, et aussi de peur des reproches de Suzanne. Car ainsi que moi, mon pauvre frère était faible et craintif comme un enfant. Suzanne, excellente ménagère, était maîtresse au logis, et mon frère la redoutait comme le feu. Mais croiriez-vous, monsieur Boilefranc, qu'il était si bon, si sensible, qu'il ressentait bien moins douloureusement la perte de son argent que l'indigne déloyauté de son meilleur ami? Lui que j'aimais tant, se conduire ainsi, rompre avec moi quand il a tous les torts? S'écria Auguste, en sanglotant à me fendre le cœur et me faisant aussi pleurer. Enfin, monsieur Boilefranc, je n'ai jamais été témoin de pareille désolation, et je vous le répète, ce qui la causait chez Auguste, c'était surtout l'indignité de son ami. Peut-être il aurait joué à la bourse avec mon argent, il l'aura perdu, c'est mal, mais enfin il m'eût avoué cela franchement, que je lui aurais pardonné de grand cœur, me disait mon pauvre frère, en pleurant toutes les larmes de son corps. À force de travail, on répare une perte d'argent, mais on ne parvient jamais à oublier la noire méchanceté d'un ami d'enfance que l'on croyait sincère. Vous ne pouviez cependant vous résigner ainsi à cette spoliation infâme et ajouter foi à l'audacieuse menace de ce Borel au sujet d'une plainte en calomnie. Non, sans doute, mais vous allez encore avoir une nouvelle preuve de la bonté d'Auguste. Sa première douleur un peu calmée, je le décide à aller consulter un avocat. Mais figurez-vous, monsieur Boilefranc, que mon frère n'a jamais voulu consentir à désigner monsieur Borel comme la personne dont il avait à se plaindre, tant il conservait encore, malgré lui, d'attachement pour ce méchant homme. Cette faiblesse était des plus coupables. Il est vrai, monsieur Boilefranc, mais je vous le répète, Auguste était la faiblesse et la bonté même. Il sera toujours temps de nommer Borel, me disait-il. Commençons d'abord par consulter l'avocat. Nous nous rendons chez l'homme de loi. Mon frère, sans nommer son ami, explique les faits de son mieux, car l'émotion redoublait son bégaiement. Il devenait très difficile de le comprendre. Je vins à son aide. L'avocat s'informa s'il y avait des témoins de la remise de la somme. Aucun. J'étais seul avec cette personne dans son cabinet, dit Auguste. Alliez-vous souvent voir cette personne dans ce même cabinet? Reprit l'avocat. Très souvent. Et vous n'avez pas demandé de reçu d'une somme aussi importante? C'est inconcevable, répliqua l'avocat. Et mon pauvre frère, de fondre en larmes et de s'exprimer d'une manière si inintelligible, tant il bégayait, suffoqué par la douleur, que je prends la parole pour lui, répond que cette personne avait offert un reçu à mon frère, mais il avait tant de confiance en elle qu'il aurait cru l'outrager en acceptant le reçu. Enfin, monsieur Boilefranc, après réflexion, l'avocat dit que l'affaire se présentait très mal. L'absence de témoins lors de la remise de la somme, la fréquence habituelle des visites de mon frère à cette personne, visites réitérées qui ne permettaient pas de préciser celles qui avaient pour objet le dépôt d'argent. Enfin, le refus presque incroyable d'accepter le reçu d'une si forte somme et la réputation jusqu'alors sans tache du dépositaire, selon ce qu'avait dit mon frère à l'avocat, rendait d'après lui douteux le succès d'un procès, surtout lorsque le plaignant, seul, était si embarrassé, si timide et pouvait si difficilement s'expliquer par suite d'une infirmité naturelle. Or, cette difficulté deviendrait probablement insurmontable lorsqu'il devrait, en pleine audience, sous les yeux du public et du tribunal, jurer devant Dieu et devant les hommes qu'il disait la vérité. L'observation de l'avocat n'était que trop fondée. Votre malheureux frère, mis en présence de ce Borel, qui eût payé d'assurance et d'audace, devait succomber dans ce combat, où, faute de preuves matérielles, l'avantage resterait à celui des deux qui saurait persuader les juges de sa sincérité. Voilà justement ce que nous a dit l'homme de loi en terminant sa consultation, monsieur Wolfram. Aussi, me rappelant que mon pauvre Auguste, encore enfant et accusé du larcin d'un encrier, avait malgré son innocence convaincu tout le monde qu'il était coupable, je vis bien qu'il ne fallait renoncer à plaider, surtout lorsqu'en sortant de chez l'avocat, lequel cependant nous engageait à porter plainte, Auguste me dit, tremblant de tous ses membres à cette seule pensée, « Moi, prêter serment la face de Dieu et des hommes, et cela devant les juges, devant le public et surtout devant Borel que j'ai tant aimé, est-ce que c'est possible ? La vue de cet indigne ami me bouleverserait, je me trouverais mal à plat ou je mourrais du coup. Ainsi c'est fini, il ne faut plus espérer de recouvrer mon argent. Qu'il le garde mon argent, ce Borel. Ah, j'aurais 100 fois préféré, si je l'avais possédé, lui prêter le double de cette somme et le conserver pour ami. » Ainsi aucune plainte n'a été portée contre le caissier. Non, monsieur Wolfram, et bien plus. Achevez. Vous allez blâmer sévèrement, mon pauvre Auguste, mais je vous le répète, vous ne pouvez vous imaginer sa faiblesse et sa bonté. Quoi ? Cette lettre imposée par Borel sous menace d'une plainte en diffamation, votre frère l'aurait écrite ? Non, pas précisément, mais il a fait ce raisonnement. Il n'y a plus à espérer de revoir mon argent, me dit-il, puisque si je dépose plainte contre Borel, je serai terrassé. Écrasé par son assurance et déshonoré aux yeux de tous comme un homme qui réclame un dépôt qu'il n'a pas confié. D'un autre côté, si Borel m'attaque comme calomniateur, et il en est capable, mon Dieu, je serai perdu. Je ne saurais pas me défendre. Eh bien, puisqu'il me faut renoncer à mon argent, je suis décidé à écrire à celui qui fut si longtemps mon ami. Et Auguste sanglotait de nouveau. Non que j'ai menti en lui réclamant 50 000 francs. On me tuerait plutôt que de me faire signer cela, parce que c'est le contraire de la vérité. Mais je lui écrirai qu'il peut être tranquille, que je ne réclamerai jamais rien de lui, qu'il n'entendra jamais parler de moi, car il m'a fait bien du mal, à moi qui lui étais si tendrement attaché. Cette lettre, il l'a écrite ? Hélas oui, malgré tout ce que j'ai pu faire pour l'en dissuader. Oh, ce n'était pas seulement montrer une faiblesse coupable, c'était se rendre complice du fripon qui le dépouillait. Je ne vous dis pas le contraire, monsieur Wolfram, mais que voulez-vous, tel était le caractère de mon pauvre Auguste. Mais la perte de cette somme ruinait votre frère, à peu près. Il ne lui restait que 8 000 francs environ, qu'il avait destinés au fonds de roulement de ses métiers. Il a donc caché à sa femme l'abus de confiance dont il était victime. Mon Dieu, oui. Il a fait croire à Suzanne que M. Borel, lui ayant rendu la somme, il l'avait placée, selon sa première intention, dans une entreprise. Et plus tard, il a dit à sa femme que l'entreprise ayant mal tourné, ses capitaux avaient été perdus. « La scélératesse de ce Borel est effrayante, » dit Wolfram, après un moment de silence. « Ce qui m'étonne, c'est qu'un homme capable d'un acte semblable eût joui jusqu'alors d'une réputation irréprochable. Cependant, il la méritait, monsieur Wolfram. Ce qui, voyez-vous, l'a poussé au mal, c'est l'aveugle confiance de mon frère et surtout l'occasion. Car peu de temps après cet événement, nous nous sommes rappelés cela, Auguste et moi, mais trop tard. Monsieur Borel nous avait dit plusieurs fois, « Si j'avais à moi une 40 000 francs, je les risquerais dans une spéculation dont j'ai l'idée. Elle est très chanceuse, mais si elle réussissait, elle pourrait me rapporter plus de 200 000 francs. Avec ces 200 000 francs, je prendrai un intérêt dans la maison dont je suis caissier. Messieurs Méréville se font vieux, je les remplacerai bientôt. Or, comme sans vanité, je suis très actif et plus entendu aux affaires que mes patrons, je deviendrai en 10 ans plusieurs fois millionnaire, parce qu'il n'y a que le premier million qui coûte à gagner. Le premier million ? M. Borel l'aura probablement gagné avec les 200 000 francs produits par la spéculation entreprise avec l'argent de mon pauvre Auguste. Mais comment se fait-il que votre frère, si timide, si sensible, et doué d'une extrême délicatesse de cœur, reprend Wolfram après un moment de réflexion, ait commis une tentative de vol et de meurtre dont vous avez porté la peine avec un dévouement sublime, pauvre cher martyr ? Ah, dame, M. Wolfram, c'est que la faim, comme on dit, chasse le loup du bois.